Marquis de Jonquière de la Ligue nord-américaine avec la voix des Marquis de Jonquière, Dominique Bolduc de CKJ. Salut Dominique! Allez, Dominique, la grosse nouvelle de la semaine, c'est Francis Charette. Alors, on s'attendait tous qu'elle allait pas être de retour. Puis finalement, il est revenu. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est un peu dur à expliquer. Je pense qu'il y a eu une entente entre l'équipe et Francis Charette. Je pense que Francis voulait revenir. Je pense qu'il a toujours dit qu'il y avait un seul endroit où il aimerait jouer dans l'Union américaine, c'est à Jonquière. Il y avait la disponibilité. Je pense qu'il y a eu une entente entre les joueurs et Francis et avec l'équipe également pour qu'il puisse jouer. Puis je pense que les Marquis se devaient de lui donner sa chance de le faire jouer. Il était sur les listes des Marquis. Puis je pense que c'est mieux de l'avoir de ton bord que de l'avoir du côté de l'équipe. Effectivement. Puis là, est-ce qu'il va jouer pas mal tous les matchs? Parce que c'était souvent une raison de disponibilité. Est-ce qu'on va le voir tous les matchs? Non, ça c'est sûr que non. Il y a des vendredis qui sont disponibles en raison de son travail. Donc, il va pouvoir être là quand il va être disponible ici. Bon, par exemple, les matchs le samedi, il va pouvoir être là. Mais les matchs qu'il va manquer, ça sera ça finalement, malheureusement. Donc, peut-être qu'il va manquer une dizaine de matchs au cours. Donc, ça, c'est un gros plus quand même pour l'attaque des Marquis. Hein. Tu sais, Francis Charette, c'est un des cinq meilleurs joueurs de la Ligue, certainement. Oui, absolument. Alors, ça, c'est sûr et certain. C'est un gros atout là qui s'ajoute, qui n'avait pas été prévu vraiment lorsque la saison a commencé, mais on va le prendre. OK. Si on parlait maintenant de... Il y avait, je pense, un seul match en fait, cette semaine, c'était contre Tedford, la nouvelle équipe de Donald Brashear. Est-ce que tu es surpris que Donald Brashear revient encore dans la Ligue nord-américaine? Oui, quand même, un peu surpris. Lui qui avait décidé qu'il se concentrait sur une compagnie de bâton qu'a créé tout ça. Mais il voulait revenir avec Tedford Mines. Il y a eu une entente, mais il va seulement jouer les matchs à domicile à Tedford Mines, donc on n'aura pas la chance de le voir ici. Ça n'a pas été le seul match du côté du Marquis. Il y a eu un match également vendredi à Rivière-du-Loup. C'est le week-end prochain. OK. Donc comment ça a été? Il y a eu une défaite contre Tedford, je pense que c'est 5-1, c'est arrivé? Oui, exactement, une défaite de 5-1. Je pense que le match, le pointage n'équipe pas vraiment à l'allure du match. Je pense que les Marquis ont eu beaucoup de chance. Encore une fois, ils ont dû buter à Gabriel Girard, le gardien de la Surancia, qui a été encore magistral devant le filet, comme il l'a été en série l'année passée. Il est en train de donner la bête noire des Marquis tranquillement, pas vite. Il était très bon. Ils ont manqué beaucoup de chance, les Marquis. Il y a eu quelques, malheureusement, des petites erreurs qui ont fait en sorte que l'assurance l'a emporté. Les deux premiers buts en première période, c'était des rondelles qui ont dévié sur des patins, qui ont dévié sur des joueurs. Il n'y avait même pas eu de tentative de tir. OK. Et dans l'autre match contre Rivière-du-Loup? Ben, Rivière-du-Loup, je pense que ça a été complètement pratique là, pour les Marquis. Le 3-1 qui n'ont vraiment pas été là du match. Ben, ils ont été là au début. Les Marquis qui ont pris les devants 2-0. Puis il y a eu un moment en deuxième période où les Marquis ont été en désavantage numérique durant 7 minutes. Ils ont eu un 2, puis un autre 2, puis un autre 2. Puis finalement, lorsque le 7 minutes s'est terminé, les Marquis ont ajouté un troisième but. Ça a cassé les reins du 3L là, parce qu'ils n'ont pas été capables de marquer. Donc, la troisième période a été une formalité pour les Marquis qui ont ajouté trois autres buts. En fin de semaine, un seul match, tu me disais? Oui, un seul match vendredi au Palais des Sports à 20h contre les Éperviers de Sorel-Tracy. Les Éperviers qui ont été de passage à Jonquière il y a deux semaines. Une victoire assez facile du côté des Marquis, 6-3. Sorel-Tracy, c'est tout ou rien lorsqu'ils viennent à Jonquière parce que très souvent, ils viennent les vendredis puis à cause de ça, c'est des joueurs de qualité qui peuvent pas être là comme le gardien du gars qui était pas là lors du dernier match. Est-ce qu'il sera là? Peut-être. Mais c'est pas des matchs assez intenses entre les deux équipes, mais on